mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mes larmes sont ma nourriture, tous les jours, toutes les nuits, moi qui tout. Et sans cesse on me dit, mais où est ton Dieu? Mon âme est sur moi défaillante. Comme l'anguille, une biche après des eaux vives, ainsi l'anguille, mon âme vers toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu. Sans cesse on me dit, mais où est ton Dieu? Mon âme est sur moi défaillante. Qu'as-tu, mon âme, à défaillir? Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la souffrance? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu.